birds in heavy doses. Backstage, les coulisses du son. En couleur, en concert, sur RQC. Vous écoutez Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous sur auditeurs et auditrices d'RQC 95 FM avec vous jusque 10h30 Scream pour l'émission Backstage. Aujourd'hui, ben, Backstage consacré à un groupe américain et un grand groupe américain qui sévit depuis des années. Et franchement, quand vous allez aux États-Unis, dès que vous vous branchez sur une radio, ben, automatiquement vous entendez un de leurs titres sur passer sur l'heure qui suit, c'est sûr et certain. Il s'agit du groupe Journée et on va vous parler de cet album faramineux qui est sorti en 1983 qui s'appelle Frontier. Mais juste avant, je vais vous parler un petit peu de qui est Journée pour vous remettre un peu, comme on fait d'habitude, les pendules à l'heure. Donc juste avant, on va s'écouter le premier titre de cet album qui s'appelle Separate Away et Worlds Apart, donc de Journée. We'll be right back. Voilà, donc c'était le premier titre de Journey, extrait de l'album Frontiers avec Separate Way. Alors Journey est un groupe de soft rock ou rock progressif américain fondé en 1973 à San Francisco autour de Neil Sean et Greg Rowley, anciens musiciens de Santana. Le groupe a passé par plusieurs phases. Le plus fort de son succès commercial a eu lieu entre 1978 et 1987, après quoi le groupe s'est temporairement séparé après une longue mise en suspense à la suite de Raise on the Radio, donc un album qui est superbe aussi, qu'un jour je compte vous présenter. Le groupe s'est reformé dans les années 1990 avec une succession de chanteurs. Durant la période de 1978 à 1987, Journey a sorti une série de tubes dont Don't Stop Believe en 1981, qui est devenue en 2009 la chanson la plus vendue de iTunes Store. Headscape, l'album studio sur lequel figure le titre est le 8e album du groupe et celui qui a eu le plus de succès. Il a atteint la première place du Billboard 200 et contient en outre de leurs singles les plus populaires, Open Arms, que Mademoiselle Maria Carey a repris. L'album suivant, Frontier, donc c'est celui qu'on va vous parler tout à l'heure, eut presque autant de succès aux États-Unis, atteint la seconde place avec plusieurs singles réussis. Il élargit la notoriété du groupe au Royaume-Uni et il atteint la 6e place du UK Album Chart. Les résultats des ventes leur ont offert 2 disques d'or, 8 albums multiplatines et 1 disque de diamant, y compris 7 albums consécutifs certifiés multiplatine entre 1978 et 1987. 18 de leurs singles furent classés dans le top 40 Main Street aux États-Unis, desquels 6 ont atteint le top 10 des Billboard 100 et 2 ont atteint la première place des classements du Billboard. Leur musique, initialement proche du jazz rock et du rock progressif, s'oriente vers le soft rock au fil des albums et avec leur arrivée de Steve Perry, qui est pour moi une des grandes voix, ça n'engage que moi bien entendu, au chant depuis 1977, puis le départ de Greg Rowley au profit de Jonathan Cain au clavier en 1981. Journey sera décrit par AllMusic comme s'étant bâti dès 1978 la réputation d'un des groupes de pop-rock commercial les plus aimés et parfois détestés d'Amérique. Selon la Recording Industry Association of America, Journey a vendu 47 millions d'albums aux États-Unis, ce qui en fait le 28e groupe le plus vendu. Les ventes dans le monde entier ont atteint 80 millions d'albums en 2005. Et en 2005, un sondage d'US Today a nommé Journey 5e meilleur groupe rock américain dans l'histoire. Leurs chansons sont devenues des incontournables de l'arena rock et sont encore jouées sur les radios rock du monde entier. Donc c'est ce que je vous disais. Je vous parlerai un petit peu de l'histoire de la formation du groupe et des nouvelles directions que le groupe a pris durant ces années. Mais juste avant, on va s'écouter le deuxième titre de l'album Frontier, Send Here My Love. Backstage, les coulisses du son. Been so long since I saw Voilà, Journey donc, avec Sin Hear My Love, deuxième extrait de cet album Frontiers. Alors, dans l'histoire, la formation de 1973 à 1976, les membres originaux de Journey arrivent ensemble à San Francisco en 1978 sous les auspices de l'ancien manager de Santana, Herbie Herber. À l'origine, le groupe s'appelait The Golden Gate Rhythm Section et y était... Il y avait donc... attendez que je ne dise pas de bêtises, je me suis perdu. Et ils étaient prévus qu'ils soient le backing band d'artistes bien établis dans la Bay Area. En faisant partie, les anciens élèves de Santana, Neil Schaum à la lead guitare et Greg Rolie au clavier et au chant, le bassiste Ross Valory et le guitariste rythmique George Techner, tous deux... de Famous Brandesnesh complétait le groupe Prairie Price des tubes était le batteur. Le groupe laissa rapidement tomber le concept de backing band et développa un style décisif de jazz fusion. Après un concours sans succès à la radio pour trouver un nom de groupe, un nom de groupe, le Rodiz John Villanueva suggéra le nom de Journey. Leur première apparition en public eut lieu à Winterland Ballroom le soir du réveillon du jour de l'an en 1973. Prairie Price rejoignit The Tube pour peu de temps après et le groupe engagea le batteur anglais Hansley Dunbar qui avait récemment travaillé avec John Lennon et Frank Zappa. Le 5 février 1974, la nouvelle composition donna son premier concert au Great American Music Hall et au Columbia Records leur garantit un contrat d'enregistrement. Journée sortit son premier album éponyme en 1975. Le guitariste rythmique Tickner quitta le groupe avant qu'il ne finisse son deuxième album Look Into the Future, sorti en 1976. Aucun de ces deux albums n'eut un véritable succès commercial. Ainsi, Neil Sean, Valerie et Dunbar prirent des leçons de chant pour essayer d'ajouter des harmonies vocales à la voix de Rolly. L'album de l'année suivante, Next, contient des pistes plus courtes avec plus de voix et Neil Sean figure comme chanteur principal sur deux des chansons. Nouvelle direction musicale en 1977 et 1980. Les ventes d'albums de Journey n'augmentèrent pas et Columbia Records leur demanda de changer leur style musical et de prendre un frontman avec lequel le claviériste Greg Rolley pourrait partager son travail en tant que voix principale. Le groupe engagea Robert Fleischmann et effectua une transition vers un style plus populaire, semblable à celui de Foreigner et Boston. Journey effectua une tournée avec Fleischmann en 1977 et le nouveau groupe inscrivit ensemble le tube Well in the Sky. Cependant, les fans ne furent pas enthousiasmés par le changement. Des différences du management causèrent le départ de Fleischmann la même année. Fin 1977, Journey engagea Steve Perry comme nouveau chanteur. Perry apporta à la formation un son ténor plus propre et Journey devint un véritable groupe pop. Leur quatrième album, Infinity, sorti en 1978, atteignit la 21e place des charts et offrit au groupe son premier disque de platine certifié RIA. En plus des tubes Light, 68e position aux USA, et Will in the Sky en 57e position. Fin 1978, leur manager Herbie Herber renvoya le batteur Hansley Dunbar qui rejoignit leurs rivaux de la baie Area, Jefferson Starship. Peu de temps après, il fut remplacé par le batteur de jazz Steve Smith, formé à Berkeley. Perry, Shawns, Rolley et Smith et Valerie enregistrèrent en 1979 l'album Evolution qui offrit au groupe son premier single dans le top 20 des Billboard 100, Loving, Touching, Squeezy en 16e position et en 1980 l'album Departure qui atteint la 8e place des charts contenait le tube Anyway You Want It, situé dans le top 25. Le succès nouveau de Journey lui apporta une base de fans presque entièrement nouvelle. Lors de la tournée mondiale de Departure en 1980, le groupe enregistra un album live Captured, issu des concerts de Montréal, Tokyo et Detroit. Ils enregistra aussi la bande-son du film Yum Not Auto au Japon. Le clavier Greg Rolley quitta alors pour la deuxième fois de sa carrière un groupe qui avait du succès. Le groupe fit appel au claviériste Steve Key Roseman pour enregistrer l'unique prise piste studio de Capturette The Party Over, Hopeless in Love. Mais Rolley recommanda le pianiste Jonathan Cain des Babies pour le remplacer. Cain remplaça l'orgue Hammond de Rolley par son propre synthétiseur. Le groupe était prêt pour une nouvelle décennie dans laquelle il atteint le plus fort de son succès. Ça, ce sera tout à l'heure. On va s'écouter Change Reaction, donc troisième extrait de l'album Frontier de Journey. Vous écoutez Backstage. I bet you she's the one. Troisième extrait, Chain Reaction, extrait d'album Frontier. Alors, le sommet de la popularité en 80, de 81 à 83. Journey sortit son huitième album Escape en 81. Il est aujourd'hui le plus vendu du groupe. Il a reçu 9 disques de platine certifiés. Donc, l'album prit la première place des charts américains en 80 et contient 3 tubes classés alors dans le top 10. Woo, Cry Now, Don't Stop Believe et Open Arm. Ces derniers titres est celui de Journey qui a été le plus haut placé dans le hit parade à ce jour. Il est resté numéro 2 pendant 6 semaines consécutives et atteint la 34e place du Billboard 100 de fin 1982. MTV enregistra une cassette vidéo d'un de leurs concerts à Houston le 6 novembre 1981. Ils y jouèrent à guichet fermé devant plus de 20 000 spectateurs. Profitant de son succès, le groupe enregistra des publicités à la radio pour Budweiser et vendit les droits sur sa musique et son apparence pour usage dans des jeux vidéo, le jeu d'arcade Journey de Bally Midway et Journey Escape de Data Age pour Atari 2600. Journey participera en 1982 à la bande-son du film Tron avec deux titres Only Solution et en 1990 Thème Instrumental. Le groupe ne plaît pas tous à la critique. Le Rolling Stone Record Guide de 1981 ne donnait à chaque album du groupe qu'une seule étoile et Dave Marsh écrivit que Journey était une impasse pour le rock de la région de San Francisco. Marsh consacrera plus tard Escape comme l'un des pires albums de tous les temps à avoir atteint la première place. L'album suivant, Frontier, donc c'est celui qu'on parle, hein, en parlant un peu d'historique aussi, Frontier ne démentit pas leur succès commercial, il atteignit la deuxième place des charts et près de 6 millions de disques furent vendus. L'album contient 4 tubes ayant atteint le top 40, Separate Way, donc c'est celui-là qu'on a ouvert, qui a atteint la 8e place, Faithfully, on écoutera ça par après, qui a atteint la 12e place, Send Here My Love, et After the Fall, qui a atteint tous deux la 23e place. À ce moment, Journey était devenu le groupe effectuant le plus de tournées et enregistrements au monde. Pendant la tournée de Frontier, le groupe signa un contrat avec NFL Film pour réaliser un documentaire vidéo sur leur vie en tournée, Frontier and the Beyond. Certains succès du documentaire furent pris au JFK Stadium et Philadelphie en Pennsylvanie avec une influence de plus de 80 000 spectateurs. On retrouve aussi ces vidéos sur des DVD différents sur de Journey. Séparation de 84 à 94. Après une tournée de Frontier, Journey décida de prendre un peu de congé. Le chanteur Steve Perry et le guitariste Neil Sean menèrent tous deux des projets en solo. Entre 1982 et 85, le groupe sortit deux chansons initialement prévues pour Frontier, Escape the Lonely, sur la bande-son du film Two of a Kind, et en 83. Only the Youn sur la bande son de Vision Quest en 85. Only the Youn atteignit la 9e place du Billboard 100. Quand Journey revint finalement pour enregistrer l'album Rise on the Radio en 86, le bassiste Ross Valory et le batteur Steve Smith furent renvoyés du groupe à cause de différences sur les plans musical et professionnel. Deux musiciens de studio remplirent la place vacante. Randy Jackson fut futur juge d'American Idol et Larry Londin, musicien de session bien établi. L'album fut certifié plusieurs fois disque de platine avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Il contient 4 titres qui a atteint le top 20. Be Good to Yourself en 9e position. I'll Be Alright With You en 14e position. Girl Can't Help It et Suzanne, ces deux derniers atteignirent la 17e place. Le bassiste et le batteur de la tournée furent respectivement Jackson et Mike Baird. MTV enregistra la tournée en vidéo et fit un documentaire incluant des interviews avec les membres du groupe et des séquences de concerts du Mountain Air Festival à Angel Camp en Californie. Mais comme Perry était incapable ou peu disposé à rester activement impliqué dans le groupe, le groupe annula la suite de la tournée et en 87 se mit en pause pour une durée prolongée et indéterminée. Sean et Ken passèrent le reste de ces années à collaborer avec des artistes tels que Jimmy Barnes et Michael Bolton avant de faire équipe avec les anciens camarades de Ken du temps où ils jouaient avec les Babies, John Waite et Ricky Phillips, pour former en 1988 le supergroupe Bad English avec le batteur Dean Castronovo. Après l'échec de Bad English en 1991, Sean et Castronovo formèrent le groupe de glam metal Hardline avec les frères Johnny and Joey Goeli avant de rejoindre le backing band de Paul Rogers en 1994. Ken se concentra sur sa carrière solo les années suivantes. Steve Smith se consacra à son groupe de jazz Vital Information et Step Ahead. Équipe avec Ross Valory et Greg Rowley pour créer The Storm avec le chanteur Kevin Schaffland et guitariste John Ramos. Entre 87 et 95, Columbia Records sortit 3 compilations de journée, dont la compilation de 1988 qui reste le disque le plus vendu du groupe. Il continue à se vendre entre 500 000 et 1 million d'exemplaires par année, ce qui en fait, en décembre 2008, le 6e album compilation le plus vendu aux États-Unis. Alors, on va s'écouter un 4e titre. On va s'écouter justement, j'en parlais tout à l'heure, d'un titre qui est rentré dans les charts aussi, de Frontier. Donc, c'est After the Fall de Journey. En couleur, en concert, sur RQC. We'll be right back. After the Fall, c'était le quatrième extrait. Alors, la réunion de 95 à 97, en 1991, Perry, Sean et Kane se réunissent pour le temps d'un concert enregistré en hommage à, du promoteur Billy Graham, durant lequel ils jouèrent Faithfully et Light en octobre 93. Kevin Schaffland, de Storm se produisit avec Neil Schaum et Jonathan Kane un Rhodes en l'honneur du manager Herbie Albert. Après ça, Sean, Kane, Valerie, Smith et Rolly envisagèrent brièvement de reformer le groupe avec Schaffland comme chanteur principal. Mais en 95, Steve Perry accepta une réunion à condition que le groupe cherche un nouveau manager. Herbie Albert fut remercié et le groupe engagea Irvin Azoff, le manager des Eagles. En 1995, la formation Escape et de Frontier, Perry, Sean, Kane, Valerie et Smith se réunirent pour enregistrer Trial by Fire. L'album sorti en 1996 contient le titre We You Love a Woman, qui était une super ballade, je vous la conseille franchement. Ce titre atteignit la 12e place du Billboard, se hissa à la 36e place du Billboard 100 en fin 1996 et fut nominé par un Grammy Award de la meilleure performance pop d'un duo ou un groupe avec chant. Trois titres de style rock Main Street dans l'album atteignit le top 40, Message of Love, 18e place, Can't Tame the Lion, 33e, et If It Should Break Your Heart, en 38e. Le projet de tournée tourna court lorsque Perry se blessa à la hanche en faisant de la varap à Hawaï durant l'été 1997, puisqu'il se trouva dans l'impossibilité de donner un concert avant de s'être fait poser une prothèse de la hanche, ce qu'il refusa pendant quelques temps. En 1998, Schaum et Kane décidèrent de chercher un nouveau chanteur. En ce moment, le batteur Smith quitta le groupe. Remplacement du chanteur, je vais faire court parce que c'est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de chanteurs qui sont passés dans le journée. Pour moi, c'est Steve Perry, le chanteur de la journée. Ce ne sera pas un autre. En 1988, journée remplaça Steve Perry par Steve Angury, qui a entre autres chanté dans Saga, qui avait fait partie de Taiketo et de Tell Story. Le groupe engagea le batteur Dean Castronovo, qui avait joué avec Jones et Kane dans Bad English, et batteur de Hardline, pour remplacer Steve Smith. Le groupe sortit son album studio suivant, Arrival, en 2001, et All The Way fut un succès mineur de la musique contemporaine pour adultes. En 2002, le groupe sortit un CD, 4 titres, donc un EP, Red 13, avec une pochette choisie grâce à un concours de fans. En 2005, le groupe fut ajouté au Hollywood Walk of Fame et Steve Perry surprit beaucoup de spectateurs en faisant son apparition à l'événement également. En 2005, Journey se lança dans une tournée 30e anniversaire et sortit son 12e album studio complète Generation, dans lequel chaque membre du groupe participe à la partie vocale d'au moins une chanson. Je vais arrêter là pour les changements de chanteurs, parce que sinon on en a pour toute la journée et malheureusement nous n'avons pas ce temps-là. Alors on va s'écouter le 5e titre, qui est une super balade qui s'appelle tout simplement Faithfully. Vous allez comprendre aussi pourquoi j'adore ce chanteur Steve Perry. Il a une voix remarquable. Il faut penser aussi que Steve Perry a été choisi aussi par Michael Jackson pour interpréter des chants sur We Are The World. Voilà, c'est parti. Highway run into the midnight sun. Wheels go round and round on my mind. Restless hearts sleep alone tonight, sending all my love on the wire. They say that the road ain't no place to start a understand me. I'm forever yours, faithfully. Je vous lisais, super balade, Faithfully. Donc, c'était le cinquième extrait de l'album Frontier. Alors, le logo du groupe, après avoir utilisé les membres du groupe dans diverses poses sur les trois premiers albums studio, Journey adopta en 1980 le logo du scarabée, un symbole emprunté aux hiéroglyphes égyptiens. Donc, les membres actuels du groupe, c'est Neil Schaum à la guitare, Rose Valory à la basse, Jonathan Cain au clavier, Dean Castronovo à la batterie et Arne le Pineda au chant. Anciens membres, je ne vais pas les faire parce que je vous dis, il y en a une membre, il y en a, bon, allez, je vais vous les dire comme ça, mais je ne vais pas vous dire le Jeff Scott Soto, Greg Rowley, Steve Perry, Steve Smith, Steven Gurry, Hanslane Dunbar, George Tickmaner, Prairie Prince, Robert Frischman, Randy Jackson, Mike Bernd et Dari Londin. Donc voilà, il y a quand même pas mal de monde. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est la discographie. La discographie, ça commence avec Journey en 75, Looking Into the Future en 76, Next en 77, Infinity en 78, Evolution en 79, Departure en 80, Escape en 81, Frontiers 83, Raise on the Radio 86, Trial by Fire en 96, Arrival en 2001, Generation en 2005, Revelation en 2008, Eclipse en 2011, ça c'est pour les albums studio. Alors dans les albums live, on a Captured en 1981, Greatest Hits Live en 98, Journey 2001, live et DVD en 2001 et Alive in America en 2014. Le EP, comme je vous disais tout à l'heure, c'est Red 13 en 2002. Des compilations, il y en a eu aussi. In the Beginning en 80, Greatest Hit en 88, Time, donc c'est un triple album en 92. Et The Essential Journey en 2001. Alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est dans la culture populaire, au fil des années, les chansons de Journey ont été entendues et mentionnées dans de nombreux films, émissions télé et jeux vidéo, et même à Broadway. Elles ont été reprises par de nombreux artistes et adoptées par des équipes sportives. En particulier, on peut entendre Don't Stop and Believe dans le dernier épisode des Sopranos. Le titre est aussi adapté dans la série télévisée Glee, chantée par les acteurs de Lee Griffin. Adopté comme hymne non officiel des équipes de la série mondiale de baseball en 2005 et 2010. Joué par les Chipmunks dans leur album Indianable en 2008 et chanté à Broadway par les acteurs de la comédie musicale Rock of Ages. Il est aussi à noter que le personnage principal de la série Scrub est fan du groupe et que l'on entend plusieurs chansons tout au long de la série. On va vous écouter, on va se passer un titre et puis après je vous parlerai un petit peu de l'album Escape de Frontier, mais de vous donner quelques détails car tout a pratiquement été dit sur ce groupe qui est magnifique et je vous le conseille vraiment. On va s'écouter Edge of the Blade, mais juste avant, un petit jingles. Backstage, les coulisses du son. Been trying very hard. Et pas manchot non plus, hein, le petit Neil Sean à la guitare hein, quand même. Donc c'était le titre Edge of the Blade. Alors l'album Frontier est sorti le 22 février 83. Il a été enregistré en automne 83 au Fantasy Studio Berkeley en Californie. Il dure 58 minutes 32 secondes. C'est du rock tout simplement. Il y a différents supports, vinyle, CD et cassette de cet album et c'est sur le label Columbia Records. Frontier est le 9e album du groupe rock américain de journée, donc sorti en 83 et il est le 2e album le plus vendu du groupe après Escape. L'album se classa 21e position en Suède et 12e en Norvège. 4 de ses chansons sont hissées au top 40 donc, et américain. Donc, je vous l'ai dit, After the Fall, See Her My Love, Faithfully et Separate Ways. Les 5 premières chansons de l'album ont été font l'objet d'un vidéoclip. L'album a été produit par Mike Storm et Kevin Elfson. Alors, l'album sonne très très très rock FM. Les caractéristiques de l'orientation du groupe des débuts des années 80, c'est aussi un des disques contenant le plus de sonorités hard rock. Il contient des succès bien calibrés, Separate Ways, Faithfully, qui furent des singles importants à leur sortie. Avec aussi l'album Escape. Alors les titres, ben, Separate Ray, Set Her My Love, Change Reaction, After the Fall, Faithfully, Edge of the Blade, Troubled Child, Back Talk, Frontier, Rubicon. Et je vais en rajouter 4 parce qu'il existe une réédition avec 4 titres en plus. Only the Young, Ask The Lonely, Liberty et Only Solution. Les musiciens qui étaient sur cet album, c'est Steve Perry au chant, Neil Shaum à la guitare, Steve Smith à la batterie, Rose Valerie à la basse et Jonathan Ken au clavier. Voilà, nous malheureusement il est bientôt l'heure de se quitter les amis. On va se quitter avec le dernier titre de cet album. J'aurais pu encore en jouer parce que on en a encore quelques-uns sur le feu, mais bon, on ne peut pas tout faire en une heure malheureusement, mais c'est déjà pas mal. Ça vous donne aussi l'eau à la bouche pour pouvoir essayer de vous procurer cet album et franchement en faire bon usage, l'écouter en long et en large et vous verrez, vous ne serez pas déçus car c'est vraiment un superbe album que je vous conseille vraiment de journée. Donc Frontier qui est sorti en 83, la pochette et tout, vous allez retrouver ça sur Backstage. Sinon restez bien branchés sur RQC 95 FM tous les jours de la semaine, du soir au matin, du matin au soir et même du week-end, car il y a de très bons programmes. Nous, on va se quitter avec le titre éponyme de cet album, hein, donc de journée, Frontier. On va se quitter avec justement le titre Frontier. Ciao les amis, on se quitte avec ce titre de journée de sortie en 83. Vous écoutez Backstage. Backstage, les coulisses du son. Il y a du monde chez Léon. Du